les internets sont détendus, nous aussi. Très. Il fait très beau, c'est sympa. Et nous attaquons tout de suite avec la nouvelle. Nouvelle du jour. À vous, Antoine. Et la... c'est à vous, Antoine. Que je n'ai pas vraiment préparé. Mais la bouffe nouvelle du jour... Ah oui. Ça concerne un insecte. Ça concerne un insecte. Ça concerne... Et puis un coléoptère. Bah, ce n'est pas vraiment une nouvelle bof au sens où c'est une nouvelle médiocre, mais c'est une nouvelle bouffe au sens où... Elle est aérienne. Où elle fait... Voilà. Et son son, c'est bouffe. La bouffe nouvelle du jour, c'est le coléoptère bombardier qui a pour particularité d'avoir un système de défense qui passe par son système intestinal. Et donc, pour vaincre ses adversaires et ses agresseurs, il pète. Et projette une sorte de cocktail chimique auquel peu d'insectes résistent. Et apparemment, même les crapauds qui l'avalent sont obligés de le vomir. Trop bonne technique. Trop bonne technique. Ouais. Et le du lien... coup, il ne tue pas, il se contente de dégoûter. Voilà, il se contente de dégoûter. Et de là, on passe au spectacle vivant, parce que dans l'histoire du spectacle vivant, il y a eu les pétomanes. Et les pétomanes, c'était des artistes dont la pratique consistait aussi à utiliser leur système digestif. Un pétomane est un comédien ou une personne travaillant dans le milieu du divertissement dont la caractéristique principale ou unique est sa capacité à lâcher des gaz d'une façon créative, musicale ou amusante. Et dans l'histoire, on parle des pétomanes depuis l'Antiquité, Moyen-Âge, et puis Augustin d'Hippone, dans son De Civitate Dei, mentionne que certains avaient un tel contrôle de leurs intestins qu'ils pouvaient péter de manière continue et à volonté afin de produire l'effet d'une chanson. Bouf. Ouais, c'était la bouffe nouvelle du jour, mais en même que, temps... Voilà, oui. Non, ça mais c'est... Ça fait pas un effet... Ça reste tiède, mais j'avoue que, en tout cas pour le coléoptère, je suis ravie de connaître ça et de m'imaginer aussi qu'il y a eu un temps où les gens payaient pour se faire vanter, quoi. Oui, apparemment, Henri I avait protégé un de ses artistes qui portait le nom de Roland le Péteur et lui avait même concédé le manoir de Hemingstone dans le Suffolk en échange d'une prestation annuelle à la période de Noël. Magnifique. Et bon. On pourrait continuer des heures sur ce sujet. Mais on va, comme on a quand même un gros programme aujourd'hui, on va enchaîner avec la